Va quitter moi, va comprendre chérie, m'a mouri pour ça. Ma vache, je nous l'autre pour consoler moi. Qui va chérie moi toute la vie. Sous la terre, tout le monde pas qu'un vrai bonheur. Bien côté qui douce, côté camère. Déjà m'a calculé le lendemain. Si mon jour s'occuper pour aller. Va comprendre, m'a mouru pour ça. Si un jour qu'on s'en quittait, on allait. Va comprendre, m'a mouru pour ça. Va comprendre, va mourir pour ça. si un jour qu'on s'en quittait, moi aller.